les mots, un brin de haine se mélange. Qualifiant mon âme étant réduit au compteur zéro. Une décennie anéantie par mon ange. Ses pupilles noires se mélangeant au blanc de sa peau. Défiant mes larmes, en braquant toutes ses armes. Me fusillant de mots, je m'effondre sous son charme. Plus belle qu'une vague déroulant toutes ses algues. J'ai vu l'apocalypse balayée par un sale éventail. Rasant les murs, ma blessure qui inaugure la fin de cette histoire aux accents de sépulture. Trop d'injures, trop immatures. Mes sentiments se noient dans un océan de brûlures. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Mais comment oublier la mère de mon bébé, la femme qui mit au monde toute ma fierté. Un petit homme, cheveux couleur du soleil, mon rayon de lumière, mon étoile de verre. Touché au cœur et brisé en mille éclats, son silence est d'or et me laisse sans voix. Savoir accepter certaines erreurs d'un couple fusionnel baignant dans un grand bonheur. À cette douceur influencée par son temps, pensant quand sa vie s'arrêterait à 30 ans. Gommer les traces sans aucune seule trace, une petite pause et voilà qu'on efface. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Jadis mon fils est vrai que j'étais novice. Un père de bonne foi multipliant tous les sacrifices. Mes vices des vices, je suis perdu, je m'enlisse. J'effleure le vertige sans que mes yeux se plissent. Dans la minute qui suivait mon envol, j'ai arrêté ma vie le temps d'une seconde. Bloqué les mots en pensant qu'au souvenir. Un souffle sur ma peau glace mon sang sans m'épanouir. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Une lune noire vient de cacher mon soleil. Une éclipse bizarre vient d'apparaître sur ma terre. Peut-être un mythe, mais que de satellites qui tournent autour de moi et même encore en orbite. Lancer mes notes pour que ce récit m'ordonne et me faire oublier ces soirées monotones. De quelques kilos ou même de plusieurs tonnes, j'amasse tous les mots et de seul coup les fredonnes. Qui s'y frotte, s'y pique, ce point de vue reste utopique. En prenant cette claque, j'ai reçu un déclic. J'évite, m'évite de rester idyllique. D'un côté platonique mais pas du tout chaotique. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face. Putain c'est vous car rien ne bascule derrière vous. La vérité en face aux premières loges c'est vous. Ces longues phrases qui m'inspirent mais je m'écrase. Au fond de cette histoire j'ai pris mes années dans la face.